أظن في الصورة السابعة. هل يجوز لعن أصحاب المعاصي أو الظلمة؟ كان يظلمني شخص بالقول أو الفعل فلعنه، فهل ذلك جائز أم لا؟ يأتي parmi nous maintenant de maudire les gens des معاصي, les injustes. Une personne me lèse par la parole ou par un acte, alors je le maudis. Ce serait permis. Pourquoi tu as quand même fait ça par les assises précédentes? ويقول لا يليق بالمسلم أن يكون لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، وينبغي له حفظ لسانه من السب والشتم. وكل دي الحمد لله يقول سبحان الله. il ne convient pas au muslim d'être un maudisseur, on dira comme ça, ni d'être une personne qui est grossière, obscène. D'accord. Mais il convient de préserver sa langue des insultes, des injures. قال حتى ولو سبه احد او شاتمه احد فينبغي له الا يرد عليه بالمثل، لقول الله تعالى ولا يستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. قد même si une personne venait t'insulter, t'injurer ou autre, toi ne lui rends pas l'injure par l'injure. D'accord. Car Allah dit ne sont pas égales les bonnes et les mauvaises actions. La bonne et la mauvaise action ne sont pas égales. Ils repoussent par la meilleure façon. قال وربما يكون الذي لعنت لعنته لا يستحق اللعنة فيرجع اسمه عليك. Il est possible que la personne que tu maudisses ne mérite pas la malédiction, donc le péché de cette offense envers lui revient contre toi. Ça revient contre toi. Donc on a dit le sawab, c'est de ne pas maudire les gens, des individus directement, mais qu'il est possible de le faire pour les catégories de personnes.